Chapitre 8e. Il avait toujours si présente à la mémoire cette journée de printemps en 98 où il avait marché à travers le village de Brookfield comme à travers un cauchemar terrifiant, luttant en quelque sorte pour s'évader dans un monde extérieur où le soleil brilla encore et où tous les événements eussent été différents. Le jeune Faulkner l'avait rencontré dans le chemin qui longeait l'école. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir mon après-midi libre? Mes parents viennent me voir. »« Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?»« Ah, oui, oui. » »« Puis-je aussi manquer la chapelle, monsieur ?»« Oui, oui. » »« Et puis-je aller au-devant d'eux à la gare ?» Il faillit répondre. « Vous pouvez aller au diable pour ce que je m'en moque. Ma femme est morte, mon enfant aussi, et je voudrais l'être comme eux. » En fait, il fit huit de la tête et continua sa course en trébuchant. Il ne voulait parler à personne, ni recevoir des condoléances. Il voulait s'habituer à la situation si possible avant de subir les paroles bienveillantes des autres. Il fit sa classe de quatrième comme d'habitude après l'appel, donnant à ses élèves de la grammaire à apprendre par cœur pendant qu'il restait dans sa chaire, accablé par une torpeur glaciale et incessante. Tout à coup, une voix dit « Pardon, monsieur, il y a une quantité de lettres pour vous. » C'était vrai. Il avait appuyé ses coudes dessus. Elles portaient toutes son nom. Il ouvrit les enveloppes les unes après les autres, mais chacune d'elles ne contenait qu'une feuille de papier blanc. Il pensa vaguement que c'était assez singulier, mais il ne fit aucune observation. L'incident passa presque inaperçu, tant il avait de préoccupations infiniment plus graves. Ce ne fut que plusieurs jours après qu'il se rendit compte que ça avait été une plaisanterie de 1er avril. Ils étaient morts le même jour, la mère et l'enfant nouveau-nés, le 1er avril 1898.